130. Vous votez ? Enfin, je pense, hein. 110, ça donne ça.

trying to reach your shore. Web of dark control. J'arrête.